Allez, j'affûte ma plume, je la taille, mieux que mieux, tant que peu, vaille que vaille. Éternel charlatan du boniment, je m'y colle, sujet, verbe, compliment. Je me dis, au fond, c'est ma très grande faute si mon baobab manque de sève. Faut-il que je m'enlève une côte pour me fabriquer en douce une Ève? Vos yeux bordés de rouge, est-ce le shit ou j'hésite, la conjonctivite? Dites-moi ça, Marguerite. Est-ce votre cœur qui palpite, votre émotion comme une invite? Et je me disais en moi-même, ah oui, ce monde à gla-gla nous glace les glaouis. Dans ce train sans chaleur, sans tête ni queue, parfois il vaut mieux voyager à deux. J'avais tourné les pages, vu les images, mais jamais lu Robinson Crusoe. Oui, ce type qui peaufinait son bronzage en criant au loin « Ohé ! Ohé ! » Vos yeux bordés de noir, est-ce la peine ou la gêne face à la déveine? Dites-moi ça, Madeleine. Quelle est cette impulsion soudaine, votre émoi qui rejoue la scène? J'allais ainsi au fil des solitudes, sans bien savoir où trouver mon chemin, avec en moi une seule certitude, celle de ne comprendre rien à rien. Affûté au lever, je me sentais assez égaré comme petit pousset, garçon terre à terre, pas vraiment lunaire. La nuit noire ne m'était pas familière. Vos yeux bordés de rouge, Marguerite. Vos yeux bordés de noir, Madeleine. Vos yeux bordés, est-ce la peine? Est-ce la peine?